Donc vous êtes né à Mirecourt. Je suis né à Mirecourt, oui. Mon père était artisan luthier, mais mort très jeune, à 35 ans,